Markandan d'après archives-carmel-lisieux.fr. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. La bibliothèque familiale des Martins. Le Sentier d'Or. Louis Swanton Belloc, 1776-1881. Les chèvrefeuilles sont un joli cottage situé au bord de la mer, dans un charmant petit village du sud de l'Angleterre. Il prend son nom du magnifique chèvrefeuille aux fleurs à miel, qui orne et couvre sa façade. De ses fenêtres on embrasse la vue du chenal, et pour petite Marie qui l'habite, c'est grande joie de s'y asseoir, et régal toujours nouveau de suivre des yeux les vaisseaux qui, voile au vent, s'en vont sur la grande mer prendre le large, tantôt à l'est, tantôt à l'ouest. Marie est une douce petite fille, pleine de gentillesse et de gaieté. Son rire argentin et joyeux, fait vibrer la maison et semble à sa mère la plus douce musique, que jamais oreille ait entendue. Peut-être Marie est-elle un peu gâtée, l'excuse c'est qu'elle est fille unique, et que le père est au loin, là-bas, là-bas aux Indes pour trois mortelles années. Par une belle matinée de juin, à marée basse, Marie, sa petite pelle en main, avait bâti sur les sables unis, et achemite quantité de maisonnettes, maintenant balayée par les vagues remontantes. Tous les jours, après être restée une heure ou deux au grand air, Marie rentrait, à midi précis, faire un somme avant le dîner, et comme elle était l'amour de sa mère et n'avait pas de compagnie, souvent la maman venait s'asseoir près du petit lit jusqu'à ce que son enfant chéri fût endormi, et quand les yeux doux et mignons tout apesantis se fermaient, la mère se glissait hors de la chambre, laissant Marie à son repos, quelquefois. Mais pas souvent, elle contait une histoire, et alors Marie s'endormait plus vite en y rêvant. Le jour même où j'écris, la maman avait conté des aventures de vaisseau, et, au beau milieu, le sommeil avait surpris la petite fille. Au moment où dans le ciel le soleil baisse, et descend vers la mer pour s'y plonger, mes lecteurs ont pu souvent observer une traînée dorée de feu partant du rivage pour s'aller perdre dans le soleil couchant. La mer entière au loin s'assombrit. Seule, la traînée rayonne comme une étroite et longue flèche d'or s'élançant à des mille et mille lieues, aussi loin que l'œil peut atteindre. Eh bien, ce fut ce rayon d'or, sentier étroit, lumineux, infini, que la petite Marie vit ce jour-là en rêve. Juste au milieu se balançait un beau navire, à voile blanche comme neige, le plus joli petit navire que Marie eût jamais vu. Elle se prit à souhaiter d'être dedans et d'y naviguer seule. À l'instant même elle se sentit transportée à travers les airs et se trouva, comme elle l'avait souhaité, assise à la proue. Elle était là tout à fait seule et n'avait pas d'effroi. Une brise douce et légère se leva à l'arrière, emplit la voilure, et elle voyagea aussi vite que le flot lumineux qui la portait. Mais bientôt, cependant, elle commença à sentir le froid, il lui sembla que l'éclat du sentier pâlissait, que les vagues devenaient dures et furieuses. Alors le désir lui vint de retourner en arrière, au rivage, à sa mère. Mais la pauvre petite Marie, bien entendu, ne connaissait rien ni au voile, ni à la manœuvre, et ne pouvait diriger sa barque. Se sentant en détresse et seule, elle se mit à pleurer. Et toujours les vagues faisaient danser de plus fort en plus fort le petit navire, et le froid grandissait et la lumière baissait. La pauvre enfant était sortie du sentier doré et ne savait comment s'y prendre pour y rentrer. L'image de sa mère se présenta plus vive à son cœur, elle était si seule, si abandonnée, si malheureuse, et le souvenir triste d'un temps où sa mère malade ne pouvait ni la garder, ni la soigner, se leva dans sa mémoire. À cette époque elle s'était sentie dans un isolement si navrant. Qu'avait-elle fait alors? Tournant sur l'oreiller sa tête fatiguée, sa mère l'avait regardée et lui avait dit, « Agenouille-toi, ma chérie, et dis, mon Dieu, fais que ma chère maman se porte bien. » Elle se rappela de s'être agenouillée, d'avoir répété ses paroles, et d'avoir après récité notre Père qui êtes aux cieux. Le lendemain, sa mère était tout à fait remise, et elle, petite Marie, tout à fait heureuse. Elle s'agenouilla encore aux côtés de sa mère, la tête sur ses genoux, les mains dans ses mains, et dit, « Je vous remercie, mon Dieu, d'avoir rendu la santé à ma chère maman. » Puis elle récita de nouveau notre Père. Elle se rappela encore que sa mère lui avait dit, « Si jamais ma petite Marie est en danger, Elle se mettra à genoux et dira le Pater, et alors celui qui appelait à lui les enfants, et les bénissait enverra son bon ange réconforter mon petit enfant. De tout cela, Marie se souvint dans le vaisseau. Alors elle s'agenouilla et récita la prière que notre Seigneur nous a enseignée, jusqu'à ce qu'elle en vint au mot, « Délivrez-nous du mal ». À peine les eut-elle prononcées, qu'elle s'aperçut que sa barque était rentrée dans le sentier d'or, la même brise chaude emplissait les voiles comme au départ, et elle vogua, vogua jusqu'à ce qu'elle arriva à un pays enchanté, ombragé d'arbres superbes, rempli de fleurs et d'oiseaux comme elle n'en avait jamais vu ni entendu, éclairé d'un jour délicieux. L'air était pur, léger, embaumé, juste comme elle abordait, comme elle posait son petit pied sur le gazon moelleux et fleuri, elle se accent aiguilla. Sa mère était là penchée au-dessus d'elle, et, voyant sa petite fille tressaillir en ouvrant les yeux, elle lui en demanda la cause. Alors Marie, dans son langage d'enfant, raconta son rêve étrange. « Que veut dire ce songe, maman, a-t-il un sang ?»« Oui, il en a un, mais je ne crois pas que tu puisses le comprendre maintenant, ma chérie, » répondit la mère, « peut-être plus tard. Dans de longues années, tu en pénétreras le sens. » Ce brillant rayon d'or nous enseigne que le chemin du ciel est lumineux, cette ligne étroite, que c'est une route resserrée, le temps si court qu'il t'a fallu pour en sortir, qu'il est facile à perdre, la vaste et lugubre mer où tu as erré dans la nuit, que, en dehors de ce chemin, tout est froid, sombre, orageux, la façon dont tu l'as retrouvé montre que Dieu seul peut nous garder du froid et des écueils qui nous environnent. Et que le prier, s'en fier à son amour est le meilleur moyen de nous maintenir dans les trois sentiers d'or et d'arriver à notre bon et brillant logis, le ciel.